façon pour s'arrêter. What y a pas les roumains, a fait pas l'hôpital. Moi, je connais comme un total. Faut moi trop de gars et Lila pour marier.